le monde va bien? Oui. Bon. Et toi Thibaut, tu vas bien? Je vois que t'as mis ton plus beau maillot de foot aujourd'hui. Hein, Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que cette semaine, je suis comme un ouf, l'Euro de foot a attaqué. Et en plus, c'est en France. Wow. Quoi de mieux pour donner une bonne image de notre pays, hein, entre les grèves SNCF, grève Air France, grève des éboueurs, les manifestations de la CGT, les dégradations de l'hôpital Necker, des malades qui sont dû emmerder d'autres malades. Je vous rappelle que la ville de Paris est candidate au JO de 2024. Oui, on passe par-dessus. Hein. Voilà, donc c'est mort. En même temps, les supporters étrangers auraient été déçus de rencontrer des Français qui ne râlent pas et sympathiques. Alors justement, à quoi reconnaît-on un supporter? Bon, déjà, il boit beaucoup. Pas de l'eau. Ça, c'est vrai. Il tape beaucoup. Pas dans un ballon. Et on les trouve dans les fan zones. Et ça, pour les organisateurs de l'Euro, c'est l'horreur. Ouh. Oui, elle vient de loin, celle-ci. L'Euro, l'horreur. Faut les fouiller, les calmer, ramasser les ordures après les matchs. Et si vous avez suivi la chronique, il y a la grève des éboueurs. Ouais. Et moi, j'aime bien quand un journaliste interview un supporter qui a perdu, tu sais, et qui a encore tout son déguisement. Et il dit des trucs super sérieux. Il est là, oui, on n'aurait jamais dû jouer en 4-4-2. Deschamps aurait dû sélectionner Benzema. Mec, t'es pas crédible avec ton maquillage et ta perruque bleue. Va faire pouette-pouette plus loin. Et là, vous pensez qu'il fait quoi, Benzema? Il est peut-être avec Valbuena. Tous les deux se matent tranquille une vidéo. Oui, faut suivre l'actu. Oh là là, il est méchant. Ça doit le démanger. Juste parce qu'on l'a pas vu, alors on a dit. Oui, pas toi. Bah oui. Ça doit le démanger, Benzema, de ne pas jouer. Hein. Maintenant, faut l'appeler Ben Eczema. Oh. C'est de mieux en mieux, ça. Là. Il y a un niveau ce soir. Et pour certains, c'est la bonne excuse, l'Euro. Hein. Quand un copain te dit, ouais, j'ai regardé Islande-Hongrie, gros match. Ah oui, gros match. Gros match de merde, quand même. Hein. Tu sens que le mec a voulu se débarrasser de sa meuf. Hein, moi, je suis très chauvin. À chaque grande compétition, je suis derrière les Bleus. Hein. Même si à la fin, c'est toujours eux qui nous enculent. Oh, comme il est. Bravo.